Je me suis rendu compte, comme tout à l'heure je vous l'ai dit, que dans ce premier chapitre, Marc introduit le casting. Et évidemment, les acteurs du premier chapitre vont se retrouver dans les chapitres qui suivent. C'est bien sûr, évident, hein. Regardez quand même quelques exemples, c'est intéressant. Il présente Simon, André, Jacques et Jean, et on les retrouve nommément quelques jours plus tard. Par exemple, dans Marc 9, c'est marqué 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Donc, on retrouve ces acteurs du premier chapitre. Si je prends Jean-Baptiste est cité ici dans le chapitre 1, versets 4 à 8. On parle de Jean-Baptiste comme le précurseur, celui qui ouvre le chemin pour Jésus. Et puis, eh bien, dans un contexte un peu plus douloureux, Marc 6, 17, vous retrouvez ce même Jean-Baptiste dans son rôle de celui qui est tué par ou mis à mort par Hérode. Donc 6, versets 14, 15, 16, 17, et ensuite Hérode, apprenant cela, disait: ce Jean que j'ai fait décapiter, c'est lui qui l'a ressuscité, car Hérode lui-même avait fait arrêter Jean, il avait fait lier. Donc voilà, on retrouve la continuité de ce qui était lancé au premier chapitre. Alors, il y a aussi un rôle important que j'ai introduit tout à l'heure avec les enfants. C'est ce fameux souverain sacrificateur, ou le grand prêtre, ou le prêtre, qui est introduit dans le verset 44 du premier chapitre, d'une manière assez surprenante, mais tout à l'heure on va en parler un peu plus. Puis bien sûr, on va le retrouver à maintes endroits dans le reste du livre de Marc. Et puis, évidemment, le personnage central du premier chapitre, ça on ne peut pas se tromper, c'est évidemment Jésus. Jésus, il est là. Et ensuite, il est dans toutes les phases qui vont suivre jusqu'à la fin de son récit. Ça, c'est clair. Et alors, Marc va commencer à introduire, dès le premier chapitre, certaines notions concernant Jésus que l'on va retrouver dans le reste de son livre. Et alors, il y en a deux sur lesquelles j'aimerais m'arrêter aujourd'hui. J'avais fait mention la dernière fois et je vais. Il y aura un petit peu de recoupement ici aujourd'hui pour ceux qui n'étaient pas là dimanche passé, comme ça ils ne vont pas perdre le fil quand on va continuer et finaliser donc le thème d'aujourd'hui. Alors, ces deux notions que Marc introduit, c'est la première, c'est Jésus, le Fils bien-aimé de Dieu. Donc ça se retrouve dans le tout premier chapitre, vous l'avez vu, c'est le verset 11. Après le baptême, une voix fit entendre des cieux ces paroles: Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Et alors, trois fois dans l'évangile de Marc, on aura cette même expression: Fils bien-aimé. Alors, elle est là. Vous vous rappelez, j'en avais parlé le dimanche passé, elle est au chapitre 12, dans la parabole du vigneron. Regardez, pour ceux qui ont une Bible, parole du vigneron. Là, il est dit, donc le vigneron, c'est celui qui avait planté une vigne et puis qui a ensuite demandé à avoir droit de regard sur cette vigne. Et puis les vignerons, ben, ils ont dit: pas question, ils ont tué les envoyés que le maître avait envoyés. Puis finalement, donc le maître pense, il dit: bon, qui vais-je leur envoyer? Et puis verset 6, il est dit: il avait encore un fils bien-aimé. C'est exactement la même expression que dans après le baptême, Huios Agapetos, là, le fils bien-aimé, et il dit: peut-être auront-ils du respect pour mon fils, hein, verset 6 de Marc 12. Et puis, ça se retrouve une troisième fois dans Marc. C'est où? Pour celui qui a lu Marc récemment. Où est-ce qu'on retrouve? Oui, vous vous rappelez? Quand il est parti, donc ça c'est le chapitre 9, regardez avec moi. Le verset, c'est le verset 7. Donc, il monte sur la montagne avec Pierre, Jacques et Jean. Et puis, au verset 7, c'est marqué: Une nuée vint les couvrir, et de la nuée sortit une voix: Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Donc, il y a vraiment un suivi. Donc, il introduit dans Marc, en premier chapitre: Voici mon fils bien-aimé. Dieu qui parle de son fils. Voilà son témoignage. Il dit: C'est mon fils bien-aimé. Je l'aime et je le respecte. C'est ma joie. Je crois dans votre traduction, c'est marqué: il est la source de toute ma joie. Puis ensuite, sur la montagne, il dit: voilà mon fils bien-aimé, écoutez-le. Puis ensuite, chapitre 12, il dit: Ah, j'ai encore mon fils bien-aimé. J'espère qu'ils auront du respect pour lui. Tout a suivi cette notion, mon fils bien-aimé. Marc n'a pas écrit au hasard. Ça, c'est juste un petit exemple. Il n'a pas écrit au hasard. Ce qu'il a choisi, il l'a choisi dans le contexte de son reportage, de son film, de sa grande pièce. Je vais aller un petit peu plus loin. Cette notion de fils bien-aimé nous donne une idée de la relation qui existait entre Dieu, le Père, présenté aussi dans ce chapitre 1, et puis Jésus, le Fils. Il fait toute ma joie. Je vous le présente en introduction, dans ce démarrage. Il sort de l'eau, il était baptisé, il n'en avait pas besoin, mais il, comme on avait dit dimanche passé, il devient homme parmi les hommes, et puis il sort de l'eau et tout de suite, du haut du ciel, un message, « Voici mon fils !» Je l'aime. Il fait ma joie. Et puis Marc, ensuite, quelques chapitres plus loin, chapitre 15 de Marc, va nous présenter ce même fils bien-aimé, tout nu, pendu sur un bout de bois. Marc 15, 33, « La sixième heure étant venue, il y eut des ténèbres sur toute la terre, donc à 3 heures l'après-midi, noir complet. » Et à la neuvième heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eloi, Eloi, lama sabachthani », ce qui signifie « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et quand vous lisez ça dans le contexte du début de Marc, du suivi de Marc, le Fils bien-aimé de Dieu, que Dieu a choisi, qu'il a envoyé, qui est toute sa joie, au moins ils auront promis du respect, et puis brusquement tu entends « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» On a l'impression que vraiment Marc décrit quelque chose, il a construit quelque chose. Verset 37, mais Jésus, ayant poussé un grand cri, expira. L'abandon de Jésus dans le contexte de Marc. Nous coupe le souffle, c'était le fils bien-aimé de Dieu. Je me demande aussi s'il n'y a pas une petite un mot d'encouragement ici, tout particulier pour les chrétiens de Rome, qui sûrement se sentaient abandonnés de Dieu. Quand ils étaient jetés par centaines au lion. Et Marc qui leur dit, regardez Jésus, et c'est avec les bêtes sauvages, regardez Jésus a été abandonné, il était le fils bien-aimé de Dieu, c'est possible. Donc la notion de fils bien-aimé est dans Marc à plusieurs reprises, mais aussi, on l'a vu dimanche passé, cette notion de l'annonce, de la prédication de l'évangile. Donc on voit, je vous l'ai dit, on voit dans Marc, 30 fois ce terme, caruso, pressé, annoncé, proclamé, c'est très très présent, bien plus présent que dans les autres évangiles. Alors, je vous avais dit la définition, je vous rappelle pour ceux qui n'étaient pas là, la définition de ce terme prêché, caruso, c'est le héros, donc H-E-R-A-U-T, hein, d'accord, le héros, celui qui proclame officiellement un message avec la notion de formalité, de gravité, d'importance du message, un message qui devrait être écouté. Alors, dans l'Antiquité, on utilisait ce terme-là pour parler des officiers chargés de faire des publications solennelles. Ils annonçaient, ils prêchaient. Alors, Paul utilise souvent ce terme-là. Je vous lis rapidement, ne tournez pas. Dans 1 Corinthiens, il parle de la folie de la prédication. C'est ce même terme. Paul dit dans 1 Corinthiens, ailleurs, ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs. Il parle plus loin, nous avons prêché l'évangile de Dieu. Après, il dit à Timothée, prêche la parole, insiste. Et alors, bien sûr, on se demande, mais quel est le contenu de cette prédication si présente dans Marc? Le contenu, quand Jésus va prêcher dans la synagogue, le contenu quand Paul prêche l'évangile, le contenu quand il dit à Timothée, fais cette prédication constante, quel est le contenu? Le contenu, c'est l'évangile. C'est comme ça qu'on l'a introduit dimanche passé. Le contenu, c'est l'évangile de Dieu, et c'est comme ça que commence l'évangile de Marc. Il dit, commencement de l'évangile de Jésus-Christ, fils de Dieu. D'ailleurs, c'est assez intéressant de voir qu'on a l'impression qu'on retourne dans la Genèse, au commencement, Dieu créa, dans la Genèse, et dans Marc, au commencement arriva l'Évangile. C'est comme s'il y a une nouvelle, un nouveau démarrage. C'est possible même qu'il y ait un parallèle un peu plus loin avec la tentation. Juste après, Jésus se fait tenter, juste après le démarrage de la création, pop, Ève se fait tenter, c'est possible. Là, il y a la victoire, là-bas, il y a la défaite. Bon, c'est une possibilité. Alors, le cœur de l'Évangile, vous vous rappelez, dimanche passé, je vous l'ai dit, le cœur de la prédication de l'Évangile, c'est une seule chose, c'est Dieu. Et puis, il y a trois branches. On a couvert rapidement la première branche dimanche passé. Le cœur de l'Évangile, c'est la gloire de Dieu. Le cœur de l'Évangile, c'est la croix de Jésus-Christ. Le cœur de l'Évangile, c'est la puissance du Saint-Esprit. D'accord ? Donc, on a couvert dimanche passé rapidement, on va vite, je vous donne un petit résumé, la gloire du Père. Et alors, ce cœur de l'Évangile se retrouve dans le premier chapitre. Moi, j'ai vraiment l'impression que Marc décrit la scène, il met les acteurs et il met au centre de cette scène Jésus et puis le message, l'annonce, la prédication de l'Évangile. Alors, au cœur de l'Évangile, la gloire de Dieu. Alors ça, c'est très différent de parfois nos évangiles. Notre Évangile, malheureusement souvent, met au cœur de notre annonce l'homme. S'il te plaît, fais un accord pour Dieu. Ça lui fera tellement plaisir. S'il te plaît, donne ton cœur à Jésus. Ça lui fera tellement plaisir. C'est pas l'Évangile, ça. L'Évangile, c'est Dieu. Je vais vous le rappeler. Dimanche passé, je vous ai lu. Lisez-le. Regardez sur le chapitre 1, verset 14. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, pressant l'Évangile de Dieu. Et c'est quoi ? Il disait, verset 15, le temps est venu, c'est maintenant, et le royaume de Dieu est proche. Voilà, ça c'est l'Évangile. Le règne de Dieu s'installe. Dieu, le vigneron, rappelle aux hommes, la vigne c'est à moi. C'est à moi. Tout ce qui est là, c'est à moi. C'est mon règne, c'est mon royaume. Soumets-toi à mon autorité. Ça c'est l'Évangile. Ça c'est l'Évangile. Donc la gloire de Dieu est présentée par Jésus. Jésus présente un grand Dieu, pas un petit Dieu qui supplie, qui demande une faveur. Non, c'est un grand Dieu. Il présente cette notion de redevabilité. Dieu vient demander des comptes à sa petite créature. Alors voici Dieu qui parle et qui présente Jésus son fils. Il dit « Voici mon fils bien-aimé, écoutez-le, ayez du respect pour lui. Il a un message important à vous communiquer. » Et c'est simplement dans la continuité, ce que Jésus a fait, de ce qu'avaient fait tous les prophètes, vous le savez. Tous les prophètes dans l'Ancien Testament avaient toujours le même message. Ils criaient à tout le peuple d'Israël, la gloire de Dieu a été bafouée. La gloire de Dieu a été bafouée. Jean-Baptiste arrive dans le Nouveau Testament, il dit quoi ? Repentez-vous. Repentez-vous de quoi ? De vos péchés. Vous avez bafoué la gloire de Dieu. Et Dieu veut réinstaller son règne sur la terre comme il se devrait. Dieu voudrait rentrer à nouveau en alliance avec vous. Vous vous rappelez à toutes ces questions d'alliance à travers 2000 ans d'histoire, 3000 ans d'histoire dans l'Ancien Testament. Le rétablissement de la gloire de Dieu, de la puissance, du règne de Dieu, c'est vraiment au cœur de l'annonce de l'Évangile. Quand Jésus dit à ses disciples comment prier, apprendre à prier, que ton règne vienne. Que ton règne vienne sur la terre. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans le ciel. C'est le cœur. Seigneur, vas-y, règne sur ma vie. Si je dis Seigneur, règne sur ma vie, c'est que j'ai compris l'Évangile. Alors, Jésus, c'était évidemment le cœur de son message, le cœur de son souci, c'est de présenter le Père aux hommes et de dire aux hommes, acceptez le règne de Dieu sur vos vies. Dimanche passé, on avait aussi rapidement lu, je ne sais pas si vous vous souvenez, parce que c'était vraiment un coup de vent, Jésus était celui qui avait montré par sa vie, qui nous avait dévoilé, révélé le Père. J'avais lu rapidement Jean 1, verset 18, « Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui vit dans l'intimité du Père, nous l'a montré, nous l'a révélé. » C'était le travail de Jésus, de nous montrer un Dieu glorieux. Et ensuite, Marc est très bon à ça, il va aller de personnage en personnage et il va les interviewer pour voir leur réaction par rapport à ça. Jésus dit, voilà le Père, voilà le Dieu glorieux qui a créé le monde, qui vient ici pour prendre charge de... Qu'est-ce que tu penses, toi? Et puis, il y a toutes ces séries, vous rappelez, hein, de réactions, la stupéfaction, le prix de panique, étonnement, très grande crainte, il y a de grandes réactions. On parle beaucoup dans Marc de ces sentiments, des tristes qui bougent, c'est très, très vivant. Et puis, on voit aussi la réaction des disciples à plusieurs reprises. Interview, disciples, alors qu'est-ce que tu penses, toi? Les disciples ne comprenaient pas. Ils voyaient Dieu au milieu d'eux, ils voyaient Jésus qui introduisait la puissance, le règne de Jésus, de Dieu auprès d'eux. Ils ne comprenaient pas. Ils avaient peur. La plupart du temps, ils avaient terriblement peur. Et Jésus qui leur disait à chaque fois quoi? Mais pourquoi vous êtes aveuglés? Pourquoi vous avez un cœur endurci? C'est l'expression utilisée qu'on avait lue. Et vous ne pouvez pas rendre à Dieu la gloire. Vous devriez dire, waouh, Dieu est grand. Je dis, non, oh là là, c'est terrible, qu'est-ce qui se passe? Ils n'avaient pas la capacité de voir. Donc leur cœur était aveuglé, ou endurci, c'est le même terme utilisé, de telle sorte que la présentation de l'évangile de Jésus-Christ et de la puissance de Dieu ne leur permettait pas, en retour, donner gloire à Dieu. Alors, je vous avais aussi rappelé, et je termine avec ça, cette première partie, c'est qu'évidemment, Jésus n'a jamais tenté d'imposer son règne sur une vie, quelle qu'elle soit, par la contrainte. Et tout à l'heure, Nicolas y faisait référence, jamais. Jésus, plutôt, nous a présenté Dieu, et il présente Dieu dans Marc, comme quelque chose de magnifique, que vous aimeriez embrasser. Quand il parle du trésor, que les gars trouvent, évidemment, personne n'avait un pistolet à la tempe du mec et disant, vas-y, prends ce trésor, prends-le, il est pour toi. Non, il n'y a aucune contrainte. C'est plutôt celui qui découvre la valeur du trésor et combien la gloire de Dieu, c'est magnifique. Alors, tu embrasses avec joie. Tu dis, oui, je le veux, s'il te plaît, donne-le-moi. C'est ça, hein. Donc c'est ça l'évangile aussi. Ce n'est pas la contrainte. Dieu va installer son règne. C'est vrai qu'il va installer son règne. Mais ce n'est pas par la contrainte, c'est parce que il ouvre les yeux et quand tu découvres combien c'est glorieux, combien c'est désirable, alors tu veux l'embrasser. Ce que je souhaite, je vous le répète aujourd'hui, pour vous et pour moi, c'est que ces 10, 12 semaines de voyage à travers Marc nous permettent de redécouvrir l'Évangile. De redécouvrir combien l'Évangile est précieux, combien l'Évangile, c'est quelque chose de désirable, combien le règne de Jésus sur nos vies, c'est pas du blabla, combien le règne de Jésus sur nos vies, c'est quelque chose que je voudrais à travers ces textes qu'on va étudier ensemble. Alors, je dis le cœur de l'Évangile, c'est Dieu, la gloire du Père, ça on a vu. Deux, le cœur de l'Évangile, c'est la croix de Jésus. Tout à l'heure, aussi, Nicolas en a parlé brièvement, la croix de Jésus qui est annoncée. Alors, à partir du chapitre 11 de Marc, on y arrivera dans quelques semaines, Marc se mettra en route dans son casting, dans son histoire, vers la croix et vers la mort de Jésus. La mort de Jésus est une importance capitale pour Marc. Si vous vous rappelez, il y a donc 11, 12, 13, 14, 15, 16, 6 chapitres qui couvrent quasiment la dernière semaine de la vie de Jésus. Et 10 chapitres pour tout le reste. Donc c'est vraiment capital pour lui. Il y passe énormément de temps. Et alors je me suis posé la question, est-ce que c'est possible que dans la présentation de son film, de son histoire, Marc ait aussi introduit, dès le départ, la mort de Jésus? Alors est-ce qu'il l'a fait? Il l'a fait. D'une manière très intéressante. Regardez avec moi, lisez avec moi, à partir du verset 40, donc dans l'évangile de Marc, chapitre 1er, bien sûr, verset 40. Je lis. Un lépreux vint à lui, et se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et lui dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, la lèpre le quitta et il fut purifié. Jésus le renvoya immédiatement, avec de sévères recommandations, elle lui dit, garde-toi de rien dire à personne, mais va te montrer. C'est drôle comme ordre que Jésus leur donne. Mais va te montrer au sacrificateur ou au souverain sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. Jésus vient tout juste de commencer son travail. Il a été envoyé par Dieu pour mener à bien une mission, mais les gens ne le savent pas encore. Mais quelque chose commence à se passer. Jean-Baptiste, le précurseur, est venu et il a annoncé, vous vous rappelez, verset 7, « Celui qui vient après moi est beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant que moi !» Et puis, Jean-Baptiste a aussi dit à plusieurs reprises, « Voici l'agneau de Dieu, celui qui ôte le péché du monde. » Rappelez, c'était la façon d'introduire Jésus pour Jean-Baptiste. Il voyait Jésus arriver, « Voici, là-bas, oui, c'est lui, l'agneau de Dieu, celui qui ôte le péché du monde. » Imaginez la scène. Marc nous dit qu'il y avait beaucoup de monde au verset 5. Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem. Ça fait des milliers de personnes, ça. Des milliers de personnes. Et Jean-Baptiste, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Waouh! Notre lépreux a certainement entendu ce message. Il n'a pas pu le toucher, il n'a pas pu se faire baptiser. Mais il a entendu l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il s'approche de Jésus. Il dit, si tu veux, il le supplie, si tu veux, tu peux me rendre pur. Jésus, ému de compassion, les tripes renouées, comme dit le texte, rempli de pitié, il le touche et dit, je le veux, sois purifié. Et il ajoute, mais va voir le souverain sacrificateur et offre ce qui est prévu par Moïse dans la loi. Qu'est-ce qui est prévu par Moïse dans la loi? Prenez vos Bibles. Lévitique 14. C'est toujours vraiment intéressant de voir comment l'évangéliste intègre les textes. De la même façon qu'il fait le lien, qu'il dit « Ésaïe avait prévu que » et puis hop, Jean-Baptiste arrive. De la même façon ici, il relie le travail de Jésus au travail de Moïse, en l'Ancien Testament. Regardez, Lévitique 14, verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Voici quelle sera la loi sur le lépreux pour le jour de sa purification. On l'amènera devant le sacrificateur, devant le souverain sacrificateur. » Donc voilà ce que Jésus dit de faire. Va devant le souverain sacrificateur et fais ce que Dieu avait dit à Moïse de faire. Ce qui était prévu par la loi. Alors, je suppose, je ne sais pas, mais je suppose que lui, ce pauvre lépreux, il était pauvre. Parce qu'il y a deux cas de figure. Soit qu'il est riche, soit qu'il est pauvre. Bon, les deux, ça va dans la même direction. Mais admettons qu'il soit pauvre. Dans ce cas-là, on lit le verset 21. Donc, Lévitique 14, 21. S'il est pauvre, et que ses ressources soient insuffisantes, alors, il amènera avec lui, quoi? Un seul agneau, qui sera offert en sacrifice de culpabilité pour avoir été agité de côté et d'autre et avec lequel on fera pour lui l'expiation. Je pousse le texte jusqu'au verset 25. Donc, il est devant le souverain sacrificateur. Il égorgera l'agneau du sacrifice de culpabilité. Le sacrificateur prendra du sang de la victime de culpabilité et en mettra sur le lobe de l'oreille droite de celui qui se purifie, sur le pouce de sa main droite et sur le gros orteil de son pied droit. Imaginez la scène un instant. Cet ancien lépreux devant le sacrificateur. À ses pieds gît un agneau. On a tranché sa gorge. Il baigne dans son sang. Il a du sang sur son pouce, le lépreux, sur son oreille droite, sur l'oreille droite. Et le sacrificateur, après le sacrifice de cet agneau, lui dit, tu es purifié. Imaginez le lépreux qui ferme les yeux, qui réfléchit un instant. Il a entendu, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu. Et puis il voit ici cet agneau, et puis il entend, tu es pur. Et puis il a entendu ces prophètes qui annonçaient pendant des années qu'un jour, un moment, Dieu purifiera le cœur, Dieu transformera. Tout ça se met ensemble et il dit, attends, est-ce que c'était lui? Est-ce que c'est lui que Dieu avait prévu? Tu es pur, son sang coule, l'agneau de Dieu, ça veut dire quoi? Que lui aussi sera égorgé un jour, comme ça? On a en quelques versets ici, brusquement, une annonce de ce qu'elle se passait. Va voir le sacrificateur et fais ce qui est prévu par la loi. Le sang coule, tu es pur. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et puis, il y a le souverain sacrificateur en face de lui. Et là aussi, Marc ne fait pas d'erreur, il place les gens à leur place pour préparer la suite. Le texte dit que cet homme-là, donc notre lépreux, n'a pas pu s'empêcher. Il n'a pas fait ce que Jésus a fait, il a désobéi. Jésus a dit, chut, chut. Le texte dit, mais cet homme, s'en étant allé, se mit à publier ouvertement partout ce qui s'était passé. Imagine qu'il arrive devant le sacrificateur et il dit, je vous ramène un mouton. Jésus, il m'a guéri. Allez, coupez-le. Le sacrificateur est là, redigne dans sa robe, machin. Jésus, c'est qui ça? Ben oui, c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Quelques mois plus tard, ce même souverain sacrificateur rencontrera l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Prenez vos Bibles. Et on va y venir, évidemment, dans quelques semaines. Mais d'ici là, vous aurez oublié. Marc 14, verset 46. Alors ces gens mirent la main sur Jésus et le saisirent. Un de ceux qui étaient là, tirant l'épée, frappa le serviteur du souverain sacrificateur. Elle lui emporta l'oreille. Verset 53 du même chapitre. Ils emmenèrent Jésus chez le souverain sacrificateur, où s'assemblèrent tous les principaux sacrificateurs et les anciens et les scribes. Ensuite, verset 54. Ensuite, Pierre le suivit de loin, jusqu'à dans l'intérieur de la cour du souverain sacrificateur. Et puis on va un peu plus loin, au verset 60. Alors, le souverain sacrificateur, se levant au milieu de l'assemblée, interrogea Jésus, l'agneau de Dieu, et il lui dit, « Ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces gens déposent contre toi ?» Verset 61, Jésus garda le silence et ne répondit rien. Le souverain sacrificateur l'interrogea de nouveau et lui dit, « Es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni ?» Verset 62, Jésus répondit, « Je le suis. » Verset 63, alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements et dit, « Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Vous avez entendu le blasphème !» Marc place ces gens devant des choix. Et tout au long de son livre, son évangile, vous allez voir comment les gens réagissent à l'annonce de l'évangile. Le souverain sacrificateur, chaque fois qu'il en avait besoin et chaque jour, tuait des moutons, qui bien sûr représentaient l'agneau de Dieu. Et quand il a fait face à Jésus, il ne l'a pas reconnu. Tu blasphèmes ! L'exemple de ce lépreux, pour moi, m'a vraiment touché, parce que j'avais l'impression que Marc a placé ça tout de suite ici, pour déjà nous aider à nous montrer ce qu'il va nous présenter. Jésus et sa mort, comme agneau de Dieu, est au cœur de l'évangile de Marc. Alors, annoncer l'évangile, c'est annoncer le règne de Dieu qui veut régner, reprendre possession de ce qui lui appartient, de nos vies. Il est le maître de l'univers, c'est le propriétaire, et il veut régner sur ta vie. d'annoncer l'évangile, c'est bien sûr annoncer Jésus, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, qui va mourir sur la croix. Et Marc, pour lui, c'est essentiel à son message. On l'a, je crois tout à l'heure, tu l'as lu déjà, Nicolas, le fameux verset de Marc 10, 45, car le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir lui-même et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Et puis, une troisième chose, l'évangile, le règne de Dieu qui s'installe, l'évangile, la croix de Jésus. Troisième chose, l'évangile, la puissance du Saint-Esprit. Alors, est-ce que c'est présent dans le premier chapitre? Ben, évidemment, sinon j'en parlerai pas ce matin. Trois fois dans le premier chapitre, on parle du Saint-Esprit. D'abord, Jean-Baptiste qui dit, « Moi, je vous ai baptisé d'eau, mais lui, celui qui vient après moi, il vous baptisera du Saint-Esprit. » Qu'est-ce qu'il voulait dire? À voir. Ensuite, quand Jésus sort de l'eau, il était baptisé, il est dit, au moment où il sortait de l'eau, le ciel s'ouvrit, et le Saint-Esprit descend sous la forme du colombe. Et ensuite, verset 12, et le Saint-Esprit pousse Jésus dans le désert. Marc commence sa description de son évangile avec une place essentielle qu'il donne au Saint-Esprit. Si tu as compris l'évangile, si tu as pu réagir avec enthousiasme à l'évangile, c'est que ton cœur a été touché par le Saint-Esprit. Et alors, ce message de Marc est en continuité à nouveau direct avec les messages que les prophètes de l'Ancien Testament avaient donnés. Regardez avec moi ce fameux passage que je lis et que je relis régulièrement, Ézéchiel, chapitre 36. Marc, je suis sûr, connaissait ce passage. Verset 26. Ézéchiel 36, 26. « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » Verset 27. « Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous pratiquiez, observiez mes lois. » Ça, c'est le message de nouvelle naissance, longtemps avant Jésus, annoncé par Ézéchiel. Et ici, Marc estime que c'est important de tout de suite redonner au Saint-Esprit la place qu'il aura. « Moi, je vous ai baptisé, dit Jean-Baptiste, dans l'eau, et vous serez baptisés dans le Saint-Esprit. » C'est le Saint-Esprit qui dispose nos cœurs à écouter la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui me permet de réagir avec enthousiasme au message de l'Évangile. Quand Dieu dit « Je veux régner sur ta vie », la seule manière de réagir positivement et avec joie, c'est d'avoir eu ce travail de l'Esprit dans nos cœurs. Maintenant, si nous commençons avec l'Esprit, on est souvent convaincu, oui, la nouvelle naissance, le travail du Saint-Esprit, c'est pas assez. Vous vous rappelez, Paul dit « Si vous avez commencé par l'Esprit, alors... » continuer par l'Esprit. Toute notre vie doit être sous le couvert de l'Esprit. Galates 5, 25, je dis dans le semeur, « Puisque l'Esprit est la source de notre vie, laissons-le aussi diriger notre conduite. » On ne peut pas devenir un enfant de Dieu sans le travail de l'Esprit dans nos vies. Mais on ne peut pas non plus vivre notre vie chrétienne autrement que par la puissance du Saint-Esprit. Et c'est là aussi que beaucoup de chrétiens ne connaissent pas le vrai évangile. Le vrai évangile, c'est connaître la puissance du Saint-Esprit. Et alors, quand Luc, donc un autre évangéliste, va faire son récit à lui, c'est surprenant de constater qu'il va reprendre ce que Marc avait dit ici, là, donc je lis Actes 1, verset 4 à 5, c'est Luc qui a écrit les Actes, hein. « Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, donc c'est Jésus qui a recommandé ça aux apôtres, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Verset 5. Et là, on se retrouve dans Marc. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors imaginez, Marc a passé beaucoup de temps avec Pierre. Pierre a sûrement discuté en long, en large et en travers de cette expérience inoubliable. Le jour où l'Esprit est descendu sur eux tous et ils ont été transformés, ils sont devenus forts et puissants dans leurs paroles parce que l'Esprit parlait par eux. Et alors là, dès le début, Marc dit, ou rappelle les paroles de Jean-Baptiste. Là, c'est de la flotte. Mais celui qui vient est plus grand que moi. Et lui, il vous baptisera dans l'Esprit. Alors, je fais une petite parenthèse ici, une petite page de publicité. Je vous rappelle que ce thème sera longuement abordé dans les semaines à venir, le jeudi soir. Nous sommes en train d'étudier, nous avons commencé jeudi passé, le livre de Ralph Chalice, « Si tu veux aller loin ». Et ce livre aborde de manière très, très pratique cette idée d'être rempli de l'Esprit, marcher par l'Esprit. Donc, ne ratez pas le jeudi soir, je ferme la parenthèse. Donc, je vous rappelle, et je vais finir avec ça, que la place de l'Esprit de Dieu est là à la nouvelle naissance. C'est un acte isolé, irréversible, une action de Dieu dans nos cœurs. Dieu touche le cœur, je réponds à son message, je dis oui, ça m'intéresse, je suis enchanté de pouvoir rentrer dans cette famille. Ça, c'est la nouvelle naissance, travail de l'Esprit. Mais être rempli du Saint-Esprit, c'est une action perpétuelle, une action qui dure dans le temps, continuelle. On ne peut pas être rempli une fois pour toutes. Être rempli de l'Esprit, c'est marcher par l'Esprit de jour en jour. Et le Saint-Esprit nous est donné, la parole nous en parle très souvent, pour nous permettre de faire, de jour en jour, la volonté de Dieu dans notre vie, de telle sorte que Dieu sera honoré et glorifié par ce que nous faisons, ce que nous disons. Alors, je résume en trois points et je m'arrête. Donc, dans ce premier chapitre de Marc, et en guise d'introduction, Marc présente l'Évangile, le vrai Évangile. Et il le présente sous trois points. D'abord, il dit, c'est l'annonce du règne de Dieu. Dieu veut et il va rétablir son règne sur la terre. C'est lui le propriétaire, c'est lui le créateur. Nous sommes ses créatures, nous devons nous soumettre à lui. Mais nous sommes en rébellion, nous sommes en révolte. Point numéro 2, il annonce une amnistie totale grâce à la mort de son fils bien-aimé, Jésus. Et Marc se penche avec son micro tout autour de lui pour voir combien les gens seront intéressés, comment les gens vont réagir à cette annonce d'amnistie totale et gratuite. La bonne réaction, c'est « Oh, gloire à Dieu, merci, c'est super. Quel trésor, Dieu est grand !» Vous verrez dans Marc, il y a plein d'autres types de réactions. Et troisièmement, Dieu ne nous laisse pas seuls pour marcher, pour avancer dans notre vie avec lui. C'est une vie de soumission à sa volonté, certes, une vie aussi passée à nous délecter, à nous régaler de ce qu'il nous donne. Dieu nous offre la puissance de son esprit. Alors, acte 1:8, vous connaissez ça, Luc va reprendre cette même pensée. Vous recevrez une puissance, c'est ce que Jésus dit à ses disciples, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. La puissance, vous vous rappelez, ce terme dynamis, la dynamite de Dieu, c'est son esprit. Et grâce à son esprit, alors je peux vivre l'évangile de Jésus. L'évangile que nous présente Marc dans ce premier chapitre et dans son évangile tout entier, c'est vraiment de la dynamite. C'est vraiment la puissance de Dieu. Alors continuons, moi je vous encourage à lire, à étudier, à méditer les paroles de Marc pour connaître de mieux en mieux le personnage central, évidemment le personnage central de toute son histoire, Jésus-Christ, découvrir, redécouvrir sa puissance, ce qu'il attend de nous, comment il veut installer son règne en nous, autour de nous. C'était le commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. C'est ce que nous présente Marc, on va prier. Seigneur, je te prie pour moi-même, mais je te prie aussi pour tous mes frères et sœurs, pour tous mes amis. Aide-nous à retrouver cet enthousiasme pour ta parole. Seigneur, avec les années qui passent, on est parfois blasé, malheureusement, tristement blasé, alors que ce que tu as annoncé, c'était une révolution. Tu nous proposes une amnistie totale et gratuite. L'agneau de Dieu qui vient, qui se fait trancher la gorge, qui verse son sang, qui est abandonné du Père, alors que le Père l'avait déclaré comme son bien-aimé. Et moi, je bénéficie gratuitement de cela. Oh Seigneur, je te prie, vraiment, touche mon cœur dans les semaines qui viennent. Aide-moi à redécouvrir l'Évangile, à me réjouir à nouveau de ce que tu as fait pour nous et profiter pleinement de ce trésor que tu nous offres. Seigneur, que tous ensemble, on puisse avancer dans cette direction, que notre goût aussi pour ta parole, pour la Bible, pour les Évangiles soit renouvelé, qu'on puisse découvrir et redécouvrir les trésors que tu as placés. S'il te plaît, utilise ces semaines. Nous te prions pour vraiment nous transformer. Au nom de Jésus. Amen.